des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire crier, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro, j'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer, j'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver sans entraver, rien à prouver, sans en baver, tout à trouver, les mots vont vite, faut qu'on s'accroche, j'ai pris le tempo à l'accroche, c'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots c'est pour mes proches. Et quand la musique accompagne, les mots pétillent comme du champagne, et le meilleur ne le nie pas, c'est sur un air d'harmonica. Bonjour à tous, Radio Gémozo, Résonance FM et Radio des Ballons vous proposent la première émission de l'Action Slam. Aujourd'hui, vous allez entendre 30 textes. Ils sont tous issus d'ateliers d'écriture menés par Vincent Decombis pour l'Union des écrivains vosgiens dans toutes les classes de 4e du collège Lyotet de Contrexéville pour le Printemps des Poètes. Comme ils n'ont pas pu être lus par les élèves qui les ont écrits, ce sont donc Stéphane, Lou, Vincent, Dominique et Michael qui le font pour eux maintenant. Non. Ils sont anonymes et numérotés et vous pouvez voter pour votre préféré en nous indiquant le numéro de votre favori par email à l'adresse suivante slam@radiogemozo.eu. Slam, S-L-A-M, @radiogemozo.eu. RADIOGUEMOZOT. Texte numéro 1. Salut, je me présente, je suis tout vert. Un gros blob qui déchire sa mère. Je m'appelle Zach et je suis trop fort. Je crains personne, même pas la mort. Je suis tout petit, mais pour peu de temps, je deviens vite fait un géant. Tu vois un obèse ? C'est la même chose. Sauf que moi, je prends la pause. Essaie de m'attraper, t'arriveras pas. Pire qu'un savon, je suis comme ça. Fait de blob, je glisse partout. Je suis trop cute. Et puis, trop mou. Numéro 2. L'équilibre de la nature, la certitude de la terre, nous ramène vers la lumière. Mais rappelle-toi comme la vie est dure. Écoute le chant des oiseaux, regarde en avant, et aussi l'instant présent. Admire cette nature et prends des photos. Écris sur une feuille ce qui te vient. La vie est parfois difficile. Mais résiste et survit comme ce fossile et ne pense à rien. Écoute le chant des oiseaux, regarde en avant et aussi l'instant présent. Admire cette nature et prends des photos. Numéro 3. Mon escalade. Dès que j'aperçois une façade, dès que je longe une palissade, c'est plus fort que moi. J'attaque ses parois. Quant au pied du mur, j'enfile mes chaussures, c'est avec toute mon adresse que je surmonte cette prouesse. Pas de temps pour les jérémiades, ni pour les dépressifs, mais pour les grands sportifs, ce sera de la rigolade. Le temps d'une escalade au relais, la neige est déjà retombée, entre équilibre et sang-froid, je dois surmonter tout mon poids. Mes mains accrochent les fissures, puis se recouvrent de gerçures. Enfin j'aperçois le sommet. Une vue qui vaut bien le trajet. Numéro 4. Avec ma plume, j'écris. J'oublie, je pardonne. Je slame pour m'exprimer. Cette bataille, je l'ai vaincue. Je prends mon stylo pour me sentir libre. Mon coup du sort est une légende pour moi. Les fleurs sont un rayon de soleil. Mon histoire, mes sentiments, je les écris sur une page blanche. J'écris pour me rappeler de mes merveilleux souvenirs. J'ai envie de prouver de quoi je suis capable. J'ai envie de changer de vie pour tout recommencer. C'est pour tout le monde le tapis rouge. La vie est un stress permanent. Numéro 5. Devant ma feuille, je faisais mon deuil. Assis dans mon fauteuil, j'ai plus les pieds sur terre, je suis à côté de la mer, j'ai pris 20 ans de plus depuis que je suis dans l'autobus, j'ai le droit à 2 routes parallèles, pas comme les hirondelles, pourtant je reste dans ma cachette à fumer mes cigarettes, mon vertige est présent, un peu comme tous les ans, depuis que t'es parti. La vie, elle est finie. Depuis que t'es parti, j'écris des poésies. Numéro 6. La première chose que l'on veut faire, c'est d'aller voir la mer, contempler les vagues et se relaxer, avant de parcourir la ville pour la visiter. Première découverte, l'Acropole et son Parthénon. Après une longue marche sous un soleil de plomb. Maintenant, on a bien mérité un bon petit dîner, une salade feta, du tarama et du poisson grillé. On imagine que nos professeurs vont siroter du sirop. Mais nous, plus raisonnables, on restera à l'eau. Pour notre dernière destination, on prend cette fois le bateau. Arrivé en Égypte, on recherche des chameaux pour aller admirer le sphinx et les pyramides. Depuis 5000 ans qu'elles sont là, on peut dire qu'elles sont solides. Il est temps de remonter le Nil en felouk jusqu'au Caire pour faire des courses dans les souks. La tête pleine de souvenirs, il est malheureusement temps de repartir. On reprend une dernière fois l'avion pour rentrer à la maison. Numéro 7. Poussière d'étoiles. Les étoiles sont belles, sont brillantes. Dans le ciel, elles sont tout simplement magnifiques. Nous sommes insignifiants, nous sommes minuscules, nous n'avons pas d'importance. Autant il nous arrive de nous trouver spéciales, comme si nous étions dotés de pouvoir pour sauver le monde. Nous sommes insignifiants, nous nous trouvons sur Terre, dans une galaxie, dans l'univers. Nous ne sommes que des grains de poussière. Numéro 8. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour est un ensemble de plein de choses. Moi, ça me fait penser à un coucher de soleil, des étoiles qui brillent de mille feux, de la douceur. Notre cœur se réchauffe. Mais quand une histoire d'amour bascule, se termine, c'est tout un monde qui s'écroule. Notre cœur se refroidit, se brise. Il ne reste que des miettes. Mais cette personne qui vous a fait tant souffrir sait ce qu'elle a fait. Quels sont ses sentiments? Elle s'en fiche. Vous n'étiez qu'un jouet pour elle. Elle va passer au suivant, vous oubliez. Mais le jour où cette personne revient, vous l'aimez toujours. Elle s'excuse. Elle vous aime. Vous lui pardonnez. Vous allez le regretter. Numéro 9. Comme avant, refermez ce trou béant. C'est moi qui me manque passer à tes côtés, mais comme d'habitude, c'est la lâcheté qui m'a emporté. J'ai des remords, mon cœur est comme mort. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais quand je te vois, mon cœur balance. Et c'est sur cette note de romance que je vais terminer de vous conter ma souffrance. Numéro 10. Ma vie n'est pas faite de paillettes. Je fume cette cigarette, puis je repense à cette gâchette, à cette nuit où les larmes ont coulé, puis blessé et sauvé, et l'enfer a recommencé. Mon histoire est trop dure à supporter. Je veux capituler, mais cendrier, me noyer, se trancher, être sauvé. Mais comment vais-je oublier ce passé? Numéro 11. La nature nous donne la force d'affronter tout chemin et de voir que nous sommes capables de beaucoup si nous nous tendons la main. Si nous changeons de vision, nous ferons plus de discussions. La vie doit être vécue dans la joie sans aucune larme, aucun émoi. Ne sois pas triste, mais sois comme un artiste et combat le mal par les mots et conduis-toi en héros. Numéro 12. Sur un nuage sombre, je redécouvre un nouveau souffle. Auprès d'un chêne, je recompose mon équilibre. Après avoir fait la course, je m'essouffle. Je respire enfin. Ça y est, je suis libre. Dans le silence, je reste vivante. Je reprends confiance. C'est ce que j'appelle la puissance de la légende. Personne ne peut comprendre ce néant fulgurant, comme un oiseau qui prend son envol. Je retourne à l'école. Après une épreuve du mal, mot pour mot, je tombe au réel. Je rencontre une personne qui ravit mon cœur d'une flamme pleine d'ardeur. Suspendre la mort et invoquer ce démon qui porte la clé et le péché de la réalité. avec sa belle toison, il me fait rêver. J'aimerais t'aimer, à la vie, à la mort, pour t'aimer encore plus fort qu'avant, l'esprit vide d'un torrent de photos, je me remplis de nouveau. Numéro 13. Il s'aime au cinéma ou à la maison, mais ça se complique. Alors ils mentent. Dans une ville où il y a du bonheur entre des mains, mais eux cherchent des regroupements. Alors ils dansent. Numéro 14. J'ai beaucoup de caractère, elle s'empare de moi la colère. J'ai trouvé l'amour, un beau jour, dans la cour, après les cours. J'ai pensé à l'aimer, non, j'ai trop de fierté, mais les sentiments sont importants. Alors je me pose sur un banc et l'espace d'un instant, je me sens vivant. Je plonge dans mes pensées, je suis perturbée. Alors je repense à ce dont j'ai rêvé. Il y a encore une semaine, j'ai eu beaucoup de peine. Mes larmes coulaient comme la Seine. Je me dis que, même après la fin tragique, notre histoire est fantastique. J'aime ton sourire, nos délires, nos fous rires, nos souvenirs. Numéro 15. L'eau et le soleil s'ajoutent pour créer la fleur. La vie et l'esprit s'ajoutent pour créer la peur. Noir sur blanc sont écrites des paroles envolées. Une vision furtive dans mon cerveau est passée. À travers cette vision, j'ai compris que je ne dois pas m'occuper des autres, mais toujours avancer en gardant la tête haute. Numéro 16. En manque de rime, c'est un poète qui s'affirme. En manque d'inspiration, je me transforme en lion. Je pars à l'aventure, mais je me prends que des murs, des coupures qui me font souffrir, alors que devant eux je pense sourire. Je pleure la nuit, le jour je souris et je ris. L'écriture me permet la vie. Mais elle me fait souffrir aussi. J'étais enfant hier, j'ai 30 ans aujourd'hui, et demain, je serai fier. Numéro 17. J'aimerais m'envoler comme une plume pour aller toucher la lune. Je cherche comment freiner mes erreurs, même si j'y passe des heures. Le jour, la nuit, la lune me nuisent. Quand le soleil est sombre, cela me comble. Au bout du monde, je vois mes rêves, ces rêves qui m'offrent une trêve. Numéro 18. Dans ma bulle, je suis somnambule. J'ai 30 ans, le 30 ans. L'amitié est imminente, soit l'amante. Des ondes au bout du monde, la poésie réelle, les plumes sont légères, nul besoin de force pour être fort. Un lac en larmes, la mer en larmes. Les mythomanes ne sont pas des mannes. Pendant un grand écart, l'idéal, c'est de réduire l'écart. Un jour drôle, l'autre drone. L'envie d'avoir envie est enviée. Minuit la nuit, je m'ennuie. Plus de foie, je mange pas le foie. Je suis mort sans être mort. Numéro 19. J'écris sans rature le désir de mes pensées. Comme dessiner un magnifique laurier, j'écris ce que pense mon cœur, comme mes sentiments, mes visions sans erreur. Mais tout a une fin, un drame, où le monde est en larmes. Il y a un équilibre entre le jour et la nuit, le soleil et la pluie, le silence et le bruit, un nouveau jour, une nouvelle vie. Numéro 20. Une envie d'écrire comme une envie de cigarette. On en a marre de ce monde plein de paillettes. Maintenant, je pars à l'aventure. Je ne me préoccupe du futur. Toucher l'accélérateur pour accélérer ma vie, car j'ai envie de faire du bruit. Je pars de mon studio pour combattre le mal par les mots. Avec ce soleil sombre, beaucoup d'entre nous succombent. Nous suivons des routes parallèles. Jeter toutes ces mauvaises choses à la poubelle. Numéro 21. Dans la ville, une panoplie de mots qui rendent mon cerveau habile. Les mots bougent sans cesse, on n'en comprend jamais le sens, mais ils dénoncent une détresse qui remplit la panse. De gens gracieux, qui voilent le destin, c'est à cause d'eux que nous sommes soucieux. Le slam est un moyen de dire tout ou rien. Numéro 22. En prenant ma plume, ce soir, dans la brume, j'écris ce témoignage sous la pluie de cet orage. Sous le soleil de cette île, j'ai quitté la vie de ma ville, j'ai abandonné l'envie d'avancer, je ne fais que reculer. Est-il possible de vivre dans la superficialité? La vie est faite de nature et non de mature, témoin d'un jour impur suivi d'une nuit abandonnée. Je vois que derrière ce vers se cache l'ivresse et la peine d'un père dans une profonde tristesse. J'exprime ma faiblesse et ma détresse à cette personne malsaine que je pensais pourtant zen. Numéro 23. J'ai pas d'idée. Mes mots se sont envolés. Je préfère pas écrire, mais plutôt lire. J'ai pas d'idée. Point final à la ligne. Numéro 24. La nature livre des merveilles dans le monde, comme un sandwich dans le micro-ondes. S'il brûle, c'est un risque, mais on peut prendre la peine d'aller sur les pistes. Numéro 25. Les flammes claquent. Le bruit de l'accélération en pleine puissance fait peur au monde réel, au royaume des égaux, une fraction de seconde, et tout peut basculer de l'autre côté, finir à l'empire des prisons carcérales, ou bien carrément dans le monde de la mort. Mais pour le moment, tu n'as pas encore l'audi, tu n'as que la 4L, donc tu n'as rien à craindre. Numéro 26. Jouer avec les mots, mais je préfère l'eau. Jouer dans le bus, mais surtout dans la rue. Jouer sur la terre, mais je reste sur mes terres. Jouer avec les secondes, et avec les secondes qui font terreur, mais on n'a pas tous les mêmes dans le monde. Je reste dans ma bulle. Mais je partirai un jour, comme un funambule, ou comme une griffe d'un ours, j'ai une certitude, comme une attitude chaque nuit, on entend des bruits. Numéro 27. Trempée d'évasion comme une vision, mystérieuse flamme qui inonde les plumes, blanche poésie, nirvana de l'esprit, la légende des mots, la puissance du stylo, les coups durs comme une coupure, la respiration qui fait pression. On recule, on éclate la bulle, la peur d'un môme sous un dôme, l'espace-temps s'arrête écœurant. Numéro 28. L'oiseau, c'est la flamme qui se rallume, et les pieds sur terre, c'est sauver le monde. Parfois je fonce, parfois je freine, quand je suis un funambule, c'est que je me sens bien. Quand l'eau est dans les flammes, c'est l'amour qui retient. Quand je te vois, c'est la joie qui vient me sauter aux yeux, mais quand tu n'es pas là, c'est la tristesse qui vient me claquer. Depuis que tu es parti, ma vie n'est plus la même, ma vie n'est pas très faite d'or. Numéro 29. Toi et moi, on fait la paire, même si par ta faute j'ai souffert. Je veux réparer les erreurs, j'y vais à contre-cœur. J'y vais à deux à l'heure, mais c'est trop tard, j'ai eu peur. Et encore une fois, j'ai fui comme un voleur. Alors je vais songer à autre chose et aller voir ailleurs. Me consoler avec des pleurs, je veux raconter mon malheur et retrouver le bonheur. Mais tu es le seul à qui je veux parler, le seul à qui je veux me confier, le seul à qui je veux m'expliquer. Mais arrête de me faire espérer et laisse-moi t'aimer. Cesse de t'énerver et laisse-moi balayer toutes ces mauvaises pensées, très fort dans mes bras te serrer, dans ton souriant regard me plonger comme par le passé. Et le dernier texte, numéro 30. Je me sens libre quand je suis en équilibre et que le monde vibre, toujours assis devant, ma feuille blanche. Ce monde est tellement moche que je passe au supplice de la planche. Tout le monde me ferme la porte, voilà pourquoi je m'y rapporte. Je veux réaliser mes rêves, mais avec des choses brèves. C'était la première émission de l'action Slam. Vous pouvez voter pour votre texte préféré en nous précisant son numéro à slam@radiogemozo.eu. slam@radiogemozo.eu. Vous pouvez également participer en envoyant vos slams en version écrite ou sonore à la même adresse. La suite au prochain épisode. Au revoir. J'ai mis